Salut Charline. Ah, je suis contente. Aujourd'hui, on reçoit Michel Faux. Ouais. Le vrai c'est bon, ça. Je suis contente que tu la fasses maintenant. Pourquoi? Parce que je comptais interdire cette vanne pendant l'émission. Ah oui, mais bon, voilà. C'est une vanne de bureau, pas une vanne d'antenne. Donc, ouais, okay. Vous avez raison. Bon, ça va, vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est le 18 juin. Oh, c'est l'appel du 18 juin. Ah, ah oui, c'est excellent. Moi, je suis en bonne forme. Excellent, bah ouais, non, mais c'est une vanne de bureau, donc ça va, on a le droit. On est d'accord. Bon, donc, nous sommes le 18 juin. 18 juin. Jour héroïque pour la France. Jour où le général, seul contre tous, a bravé l'Europe entière et changea la face du monde. Vive la France. Sauf qu'on va parler de Waterloo. Ah, 18 juin, jour héroïque pour la France. Voilà. Jour où l'empereur, seul contre tous, a bravé l'Europe entière et pris une grosse rousse. Silence, c'est un excellent sujet. La mesquinerie des Belges, hein, alors, la mesquinerie de l'histoire. Alors, on passe au sujet 2. C'est Ségolène Royal et le Nutella. C'est Roselyne Bachelot qui a dû manger du Nutella. Non, Alex. On n'avait dit pas le physique. Vanne de bureau, vanne de bureau, vanne de bureau. C'est bien cette histoire de Ségolène Royal qui brocarde une institution italienne. Oui, c'est vrai. 18 juin, jour héroïque pour la France. Jour où la royale, seule contre tous, a bravé tous les obèses de la planète. Du calme, Guillaume. Bon, on a deux sujets, on peut se reposer. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un article sur l'oisiveté dans les Inrocks. Ah, ça, c'est un bon sujet, parce que j'ai une vraie expertise, moi, en oisiveté. Oui, c'est bon, on a les sujets. C'est encore l'appel. Alex, on ne fait jamais deux fois la même vanne de bureau. 18 juin, jour où il a été décrété qu'on ne refait jamais deux fois une vanne de bureau. Vive la République et vive la France. Bonjour la République, bonjour France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui tartine l'actualité comme le Nutella sur la morne plaine. Et voici les trois informations qui vont mener bataille jusqu'à 18h. Ségolène Royal a mis les pieds dans le pot de Nutella. En critiquant l'enfant chéri de la marque Ferrero, elle a déclenché la colère de toute l'Italie. Et un animal, un cornuto di bestia. Tu connais nos lois. C'est à nous de régler ça. Aujourd'hui, toute l'Europe est bicorne, sauf la France qui préfère le képi. C'est la guerre, Napoléon. On ne peut pas toujours gagner. Et à l'heure où le burn-out sera bientôt considéré comme maladie professionnelle, une nouvelle fronde voit le jour, les oisifs. Une revue littéraire britannique marque la tendance, l'art de ne rien faire. Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Et pour traiter de ces trois informations sur le champ de bataille de l'actualité, Alex Vizorek. Bonjour, maréchal Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une toute belle équipe à 17h20. Chaque semaine, il vient nous tirer un pénalty littéraire pour mettre au fond de nos filets la culture sportive qui nous manque. L'homme qui joue entre les lignes comme un grand numéro 10, sauf que lui, il joue entre les lignes de texte. Bonjour, Samir Bouadi. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Bonjour, tout le monde. Quelle belle merci pour ce jeu. Je me barre, c'est fini. De quoi on va parler? On va parler des filles qui gagnent au foot, c'est vachement bien. Tout à fait. À 17h30, celui qui brise tout. Il brise les codes, il brise les conventions, mais surtout, il brise les nerfs de ses interlocuteurs. Il s'est fait tant d'amis dans les couloirs de France Inter que son transfert sur France Bleu 107.1 est presque acquis. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi aussi, j'ai voulu fêter l'anniversaire de la grosse pâtée à la française. J'ai appelé les nostalgiques de Napoléon Bonaparte. On a fêté Trafalgar, 15 jours avant, on n'a pas fêté Austerlitz, donc c'est quand même un peu n'importe quoi. Ah bah voilà, c'est de la décadence, moi je vous dis. Et à 17h40, celle qui a le même prénom que l'actrice porno la plus célèbre de France, et le début de son nom est celui de l'un des deux inspecteurs maladroits dans les aventures de Tintin, c'est tout elle, ce mélange, un sex-appeal un peu gauche, même si elle est de droite. Bonjour Clara Dupont-Menot. Oui, je vous sens surprise. Bonjour Alex Vizorek. De quoi va-t-on parler? Moi j'ai bien aimé cette présentation. Alors que les... Vous allez le payer très cher. Alors que les terroristes s'entretuent en Afghanistan, un livre vient de paraître, ce sont des paroles de collégiens sur le terrorisme. Pour défendre Clara Dupont-Menot, vous pouvez nous écrire sur Twitter ou Facebook, bien sûr, tous les moyens modernes. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Aujourd'hui, un référent de l'Empire. Vous êtes né sous De Gaulle, vous êtes plutôt képi, donc vous, aujourd'hui. Vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 86, quand le Minitel entre dans les foyers et grave à jamais dans vos mémoires le fameux 36-15 Oula. Vous êtes seul en scène et travesti au Théâtre du Rond-Point en 2010, c'est l'année où Lady Gaga chante Bad Romance. Vous êtes nommé deux fois au Molière pour le Misanthrope de Molière en 2014. C'est l'année où Nabila est placée en garde à vue, sans toutefois croiser Claude Guéant, ce qui est assez rare quand on est en garde à vue. Vous êtes... vous êtes. Je vous laisse nous le dire. De votre Michel Faux. Oh, ah ben c'est, voilà. Michel Faux. C'est Michel Faux. C'est lui, c'est lui. Allez, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et on peut vous voir au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 11 juillet dans Un amour qui ne finit pas d'André Roussin. Et hier soir dans la salle, il y avait Alex Vizorek. Mais oui, mais foncez-y. Alors c'est difficile d'en dire du bien parce que tout le monde l'a déjà fait. Même le masque et la plume a aimé votre pièce, alors c'est difficile. C'est pour vous dire. Donc au-delà de mon analyse théâtrale... Bah, dites-en du mal, non, Alex. Non, c'est encore plus difficile, je vous dirais. Non, je voulais que vous me disiez du bien de l'auteur. Parce que comment André Roussin tombe dans les mains de Michel Faux, et vous vous dites, après avoir monté Monterland, copie Ibsen, vous avez vu dans La Maison de Poupée, eh bien je vais monter André Roussin. Alors nous on a fait les cours Florent et Guillaume, et c'était le plus âgé parmi les gens dont on pouvait jouer de l'humour. C'est-à-dire qu'il y a eu Fédot la biche, et puis Roussin s'était autorisé, et tout le reste, l'humour était interdit pour les apprentis comédiens. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a amusé chez Roussin ? Moi j'avais découvert cette pièce quand j'étais adolescent en fait, et elle m'avait marqué, et puis... il a été joué jusqu'à sa mort. Il est mort en 84, je crois. Il a été tout le temps joué. Il a fait des succès de 1940 à 1980. Et puis après, il est un peu tombé dans l'oubli. Et en relisant cette pièce récemment, parce qu'on cherchait une pièce drôle avec Léa Drucker, on l'a trouvée drôle et profonde et insolente. Et voilà. Parce que votre dernière collaboration avec Léa Drucker, c'était Monterland. Mmh. Donc il fallait un peu se marrer, j'imagine, après ça. Et pareil, Monterland, on avait ressorti une pièce qui n'avait pas été jouée depuis 49, que personne ne connaissait. Mais moi, j'aime bien faire ça. Ouais. Parce que les dialogues sont hyper contemporain. Roussin, alors la grande force de Roussin, c'est les scènes à deux. Il y a presque que ça dans la pièce, ça se succède parce que voilà, c'est un imbroglio amoureux. Est-ce que ce petit côté-là, pour un acteur, c'est plaisant de vraiment pouvoir monter à deux quelque chose ? Oui, ça dépend des partenaires, mais là, comme les partenaires, je les ai choisis. Vous avez que des rôles. Oui, donc Léa Drucker, Pierre Cassignard, Pascal Arbillot, Audrey Langle et Philippe Etès. Et donc, du coup, ça devient plus facile quand on a des bons partenaires. En plus, c'est des gens intelligents. Et souvent, on dit qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être acteur, mais en fait, c'est quand même mieux de travailler avec des gens qui sont intelligents. Mais ça sent l'intelligence, parce qu'il y a dans le jeu, vous êtes aussi connu pour vos exubérances. Michel Faux, on vous voit souvent déguisé, même en femme, tout ça. On vous voit souvent nu, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas un gros budget costume de la carrière de Michel Faux. Il y a longtemps que je n'ai pas été nu. Ah, c'est vrai, je vous ai vu à longtemps. Vous semblez le déplorer, même, Michel Faux. Je vais le refaire. Ici, c'est vraiment, vous jouez un personnage plutôt discret, qui a les mains dans ses poches, petit bourgeois, et il y a des vraies nuances dans tout ce jeu, et un peu moins chez Pierre Cassignard qui lui est un peu plus exubérant que vous. Ça vous amuse de temps en temps de vous mettre ces contraintes-là en tant que comédien, alors que vous êtes le metteur en scène aussi de cette pièce? Oui, mais en fait je suis le seul à m'imaginer dans un rôle comme ça en fait, parce que personne m'imagine en fait, et c'est l'intérêt du projet. Oui, j'aime bien faire des choses très contrastées et très différentes. Moi ça dépend de la pièce, ça dépend de l'auteur, ça dépend du style de théâtre. Je vais essayer de la pitcher, la pièce. Vous m'arrêtez à partir du moment où vous pensez que j'en ai trop dit. Donc... Oui, allez-y. C'est La Blague et la Plume par Alex Vizorek. Non. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes sur scène avec Pascal Arbillot, que vous êtes en train de faire une thalasso, on peut dire ça comme ça. Vous la rencontrez depuis 10 minutes et vous lui dites « Je suis amoureux de vous et je compte le rester. » Ça me rappelle quelqu'un. Moi, il m'aurait pas fallu 10 minutes pour tomber amoureux de Pascal Arbillot, mais enfin, vous a fallu 10 minutes. Et elle dit, mais oui, mais moi je suis mariée, je suis très heureuse, j'ai pas besoin. Il dit, oui, je m'en fiche complètement, j'ai envie d'être amoureux de vous. Et avec cette phrase qui arrive un peu plus loin, faut bien aimer tout de même, fait dire Roussin, parce que vous n'aimez plus vraiment votre femme, mais vous êtes aussi pas malheureux dans votre couple. Donc c'est un pitch assez rigolo, et peut-être que, est-ce qu'on peut aller en couple voir votre pièce? Oui, en même temps, les couples aiment beaucoup la pièce. En même temps, ça remue des sujets, ça rappelle des souvenirs, je pense. C'est un peu ambigu, mais en même temps, il lui propose dans la pièce un amour platonique. En fait, il dit je vous écrirai tous les jours, je vous téléphonerai quelques fois, et puis c'est tout, il se passera rien en fait. Il a juste que c'est la solution. Il a juste envie d'aimer. Oui, mais en même temps, c'est un petit peu égoïste puisqu'il ne veut pas de retour en fait. Et puis elle faillit presque lui en donner, mais voilà, il faut y aller. C'est donc Un amour qui ne finit pas d'André Roussin, c'est au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 11 juillet, du mardi au vendredi à 21h, le samedi à 18h et 21h et le dimanche à 16h. Nous sommes en compagnie de Michel Faux jusqu'à 18h. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies. the people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Le Velvet Underground sur France Inter. Et autour de la table, Clara Dupont-Monod, Samir Bouadi, Guillaume Meurice et l'immense Michel Faux qui est notre invité jusque 18h. Et c'est l'heure où on informe le monde. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable. Elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré. Elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence donc par le fameux bicentenaire de Waterloo. L'absence du président de la République française a été très remarquée au niveau européen. La présence de François Hollande à Waterloo risquait d'entretenir la confusion bien trop courante entre l'empereur et le manchot. Voilà, cela dit, les médias français en parlent ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach a même interviewé Napoléon. Ben non, enfin, vous voulez dire qu'il a rediffusé une interview de Napoléon qu'il avait faite à l'époque? Non, il est vieux, mais il a des limites. Il a interviewé l'homme qui sera Napoléon dans la reconstitution, Franck Sanson. Ah, oui. Et sur RMC, chez Jean-Jacques Bourdin, ils ont fait un sondage. Napoléon était-il un tyran, ont-ils demandé aux auditeurs. 78% des auditeurs d'RMC ont répondu non. Ah ben bah, là, on comprend mieux pourquoi Marine Le Pen ne les effraie pas. Voilà. Et RTL? Ah non, sur RTL, on en a moins parlé. Il y avait eu une page de pub pour Habitat. Je ne peux pas aller dans un magasin, bon, parce que les vendeurs viennent me voir, me disent « Ah, monsieur Montebourg, vous n'imaginez pas, tout le monde nous interroge sur l'origine de nos produits, on ne sait plus répondre parce qu'on n'a pas de Made in France ». Je dis « Ben, ils ont raison ». Voilà, 18 minutes de publicité pour Habitat ce matin sur RTL. Mais est-ce qu'on a des nouvelles du front? Oui, parce que la reconstitution bat son plein. Alors, première, deux mauvaises nouvelles d'ailleurs. Franck Sanson lui-même a eu un petit souci, il a failli se faire embarquer sa voiture. Non. Véridique, même 200 ans après Waterloo, ça ne réussit pas. Napoléon. Ah oui, c'est vrai. Et une autre mauvaise nouvelle. Oui, alors. Malheureusement, on ne doit pas rire de ça. Un reconstituteur de la bataille est décédé cet après-midi à 13h, d'un malaise dans le bivouac des Alliés, ce qui aggrave le bilan de la bataille de Waterloo. 9501 morts au combat. Oui, le bilan s'alourdit donc. Oui, hein. On suit la reconstitution. Oh, mais c'est véridique. Passons au reste. Passons au reste de l'actu. Oui, le champion de judo Teddy Riner est rémunéré 30 000 euros par mois par le Sporting Club de Levallois. Un montant épinglé par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Ouais, ça fait cher pour passer sa journée en peignoir. Hein. Oui, c'est aujourd'hui que débute le Ramadan, une période où nous avons une pensée pour Jean-François Copé, son fameux pain au chocolat. Oui, Jean-François Copé qui fête aujourd'hui un an de Ramadan médiatique. Et ça va, on le vit bien. Revenons à Arnaud Montebourg qui a déclaré donc dans ses fameuses 18 minutes de pub qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. En effet, il sera impétrant à l'élection présidentielle de 2017. Et on finit par le pape François qui, après l'écologie, a commandé l'économie. Il a dit l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance. Une bonne nouvelle pour François Hollande puisqu'il a réussi à inverser la courbe de la décroissance. Voilà, il va être béatifié. Nous sommes avec Michel Faux jusqu'à 18h sur France Inter et on grille l'actualité comme une merguez à la manif de la CGT. Vous avez compris où vous avez mis les pieds, Michel Faux. Ne partez pas, restez avec nous pour le premier sujet. Alors que François Hollande est attendu dimanche à Milan où se tient l'exposition. C'est l'universel là, non c'est, oui, la... c'est ça, c'est l'universel. Ça. Hein, voilà. Ségolène Royal vient de fâcher toute l'Italie en s'attaquant à l'excellence italienne. L'excellence italienne étant le Nutella. L'enfant chéri du groupe Ferrero, une marque qui nous veut que du bien. Papa, papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît. Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein. Ah oui, papa, merci, bravo, papa. Voilà, nous avons avant d'obtuer un enfant. Ouais. Non, mais, on dirait une pub, on dirait une parodie des nuls, mais c'est la vraie pub. C'est la vraie pub. Voilà. Donc le Nutella est composé d'huile de palme. Le Nutella est donc responsable de la déforestation, nous dit Ségolène Royal. Cela dit, elle a pas entièrement tort. Jusque-là, elle avait bon. Ouais. Elle a dit ça au petit journal. Scandale. Sur Twitter, elle a dû présenter ses excuses parce qu'elle a froissé l'Italie tout entière. Alors d'abord, je me demandais si ça s'est passé au petit journal. Donc finalement, quelle valeur a une déclaration d'un politique dans une émission d'un Fontainebleau? Par exemple, si Ségolène Royal venait chez nous et qu'elle disait ça, quelle valeur ça a? Est-ce que c'est vraiment officiel ou est-ce qu'on peut un peu passer au travers de ce genre de choses? Vous êtes attentif à ça, vous, Michel Faux? Je trouve ça affligeant. Moi, je trouve que c'est au-dessus de ce qu'on peut imaginer, quoi. Ça, on dirait une nouvelle de Marcel Aimé ou une pièce de Jules Romain, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même des gens, il y a quand même des dossiers beaucoup plus graves à traiter dans le monde et en France. Et là, d'un seul coup, un pot de Nutella. Mais alors là, c'est l'Italie qui s'emballe, hein, parce que hier, il y a même la femme de Matteo Renzi qui est allée au stand Nutella à l'exposition à Milan pour acheter un énorme pot de façon ostentatoire avec sa fille. Vous pouvez voir par exemple une photo dans Le Parisien, on dirait une pub pour la marque Ferrero. Ceci dit, ça leur fait de la pub. Effectivement. Et donc, rappelons que c'est de la merde, hein, quand même. Non, mangez pas. Hein. Les Italiens nous écoutent. Voilà. Allez vous faire foutre. Nous avons un appel de l'ambassade d'Italie. C'est délicieux le Nutella. Oui, rappelons que c'est très bon. Mais là, je sais pas, est-ce que vous connaissez l'Italie ou pas? Apparemment, bouffer du Nutella en Italie, c'est une religion, hein, parce que. Moi, j'ai des amis qui mangent ça à la petite cuillère, à même le pot, hein, bien sûr. Ah ouais, donc voilà, on peut. Il y en a sur les pizzas, il y en a sur les crêpes. Non, c'est terrible. Et Ségolène Royal qui tweet 1000 excuses, donc qui s'excuse 1000 fois. Pour c'est surréaliste quand même. C'est pas un peu disproportionné par bien rapport. Bien sûr, on dirait du labiche, ouais, je sais pas. C'est du labiche. Mais c'est un petit peu ça la politique en ce moment. Clara Dupont-Monod, ça vous a interpellé? Je suis en train de réfléchir à l'inverse. Aïe. Si par exemple un dirigeant italien avait dit les Calissons d'Aix, ils sont responsables de ça, ou les bêtises de Cambrai, c'est responsable de ça. Oui, mais sauf que c'est vrai. L'huile de palme, c'est responsable de la déforestation. Elle a dit une chose vraie pour une fois qu'un politique dit une vraie chose. Elle a stigmatisé une marque. Alors, oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'elle parlait de l'huile de palme. La question était sur l'huile de palme. Là, c'est toute l'Italie. C'est un scandale national, Clara Dupont-Monod. C'est une institution, là-bas, le Nutella. Mmh. Alors après, il y avait aussi toute une polémique autour de l'huile de palme, parce qu'à un moment, Nutella avait acheté des pages entières de journaux pour expliquer que non, l'huile de palme, c'est pas la première menace agroalimentaire qu'ils ont sur le dos, hein. Mais là, visiblement, elle a dû toucher un nerf sensible, parce que il y a eu des journaux italiens qui ont titré en énorme, en gros, la déforestation n'est pas lié au Nutella. Enfin, il y a une espèce d'élan national au sein des quotidiens. Michel, nous en venons donc sur France Inter à parler pendant 4 minutes 30 de Nutella. C'est quand même incroyable. Je retrouve juste le titre, Charline. On ne sauve pas la forêt en boycottant le Nutella. C'était les titres qu'on pouvait quand même voir dans les kiosques journaux italiens. Au lendemain de tout ce pataquès. J'espère qu'après toute cette citation du Nutella, vous avez une bonne crise de foi. Il faudrait donner la parole à un orang-outan, qui sont les premières victimes de la déforestation. Voilà. Sauf qu'ils ne l'ont pas, donc on est les porte-parole. Allez, nous sommes jusqu'à 18h avec Michel Faux. Michel Faux, je vous présente Samir Bouadi. Bonjour Michel. Puisqu'on parlait d'orang-outan. Bah voilà. Mais qu'est-ce qu'il a mûri aujourd'hui? Oh là là. Allez-y, Samir, n'écoutez pas. Je vais vous parler des filles, moi, des filles et du foot. Alors, première question, quel rapport entre le foot féminin, la commémoration de Waterloo, l'appel du 18 juin et Éric Zemmour? Ah, normalement, a priori, aucun, mais c'est sans compter l'influence que Clara Dupont-Monod a sur le fonctionnement de mon cerveau. En effet, depuis quelques semaines... Prenez-en de la graine, visant à Kim Meurice, là. Notez bien, je suis monodisé. Alors vous me demandez, qu'est-ce que c'est que la monodisation? La monodisation, c'est la connexion hautement subjective d'objets a priori éloignés d'un point de vue sémantico-factuel. En d'autres termes, monodisé consiste à parler d'une chose en s'appuyant sur une autre. Voilà, c'est passionnant, j'espère avoir été clair. Donc hier, les joueuses de l'équipe de France ont battu les Mexicaines 5-0. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous et moi, même si vous vous rendez pas compte tout à fait du truc. C'est une bonne nouvelle parce que cette victoire marque le retour en grâce d'un groupe de filles de toutes les couleurs qui s'amusent à ne pas imiter les garçons et qui jouent magnifiquement à ce vieux sport de garçons justement qui leur appartient pour de vrai et à mon avis pour longtemps, je l'ai déjà dit ici, le foot féminin c'est vachement bien, c'est technique, c'est rapide, on y crache moins et les queues de cheval flottent au vent, sont pas dans les pantalons. Hein. Les courses sont échevelées mais les coups d'épaule ne stoppent pas, les magnifiques élans, on y est bien dans ce foot-là. Il y a autant d'engagement mais les embardés sont plus souples. Bref, le foot féminin c'est bien pour nous mais c'est moins bien pour Zemmour. Lui qui pense que l'histoire de France est arrêtée à la naissance de Louis XIV, lui qui pense savoir jouer au foot, lui qui croit qu'une femme est incapable de faire autre chose que de porter au-dessus du short les futurs couillus qui feront la France de demain. Nous sommes donc le 18 juin, hein, au lendemain de cette victoire de l'équipe féminine de football. Et d'une certaine manière, on peut considérer que cette victoire fait office d'appel. Un appel qui n'a pas les accents vibrants d'une harangue à la résistance, tu le fais mieux que moi, Guillaume. Mais au contraire, qui pourrait être serein, cet appel. Serein comme un champ d'enfant qui a délaissé ses soldats de plomb et qui rêvasse entre deux batailles ennuyeuses. On peut essayer d'espérer, on peut tenter de croire, on peut se dire que la France, c'est aussi ces filles-là qui cavalent derrière un titre majeur. On peut sereinement donc y croire et c'est chouette pour elles et c'est chouette pour nous. Le dernier bastion du machisme primaire est en train de tomber. On sait que le Black Blamber de 98 n'a pas enfanté. On sait que tout ça c'est des conneries, mais en même temps, on se cherche toutes des bonnes raisons de sourire. Pourquoi pas la naïveté après tout? Non. Pourquoi pas de nouveaux chants patriotiques chantés par des filles qui viennent de toutes les Frances pour s'unir et faire la chose la plus conne du monde, courir derrière un ballon. À moins qu'elles ne courent derrière elles, à moins que cette folle course ne soit qu'une chorégraphie, un peu comme cette bataille qu'on rejoue aujourd'hui en ce moment à Waterloo. Plein de gens qui se tirent dessus et j'allais dire zéro mort à l'arrivée, mais en fait je viens d'apprendre qu'il y en a eu un quand même. Oui. Et c'est dommage, ma chronique est foutue. La nostalgie serait donc inopérante quand il s'agit de toucher les corps. La logique de ceux qui pensent que c'était mieux avant trouve peut-être ici une explication. Hier est inoffensif. Voilà. Alors l'appel du 18 juin rejoint Waterloo et l'espoir s'associe au souvenir. Le souvenir de l'espoir s'associe à la présente victoire des Bleus et des Bleus à l'âme. Éric Zemmour, tiens. Ces bleus à la main, lui, ne cessent de grossir. Tout bleu, ce monsieur. Finira-t-il un jour en schtroumpf? On ne sait pas, peut-être. Parce que toutes les couleurs finissent par se mélanger et les filles courent si vite qu'on finit par les confondre avec l'arc-en-ciel qui fait les vœux anodins. Anodins comme les matchs de foot, certes. Mais c'est beau et c'est comme ça qu'on les aime, les matchs. Le seul enjeu, c'est le beau jeu. Alors soyons beaux joueurs, reconnaissons aux perdants qu'ils ont eu la politesse de perdre. Sans Napoléon, pas de Waterloo, hein. Et sans leur faire à venir, pas de résistance non plus. Donc les filles de l'équipe de France ont battu le Mexique et vont jouer en 8e de finale. Des Coréennes du qui savent jouer au foot, paraît-il. Alors, au fait, pour info, les diffuseurs des matchs de l'équipe de France de foot féminin se frottent les mains, ça cartonne et pas rouge. Finalement, la parité, ça rapporte. Merci Samir Bouadi. Nous sommes en compagnie de Michel Faux. Je rappelle que vous jouez Un amour qui ne finit pas d'André Roussin au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 11 juillet. C'est une vraie question. Est-ce que le grand théâtral même que vous êtes aime le foot et le sport? Moi d'abord je suis pas un théâtreux, je déteste les théâtreux. Trop tard. Je me suis rattrapé, j'ai dit théâtre. J'avais une mauvaise ambiance. Et moi j'aime pas tellement le foot, non, ça m'ennuie, mais j'aime pas tellement le sport en fait. Non, c'était une vraie question, je m'attendais à moitié. S'il y avait une vraie parité, il devrait mélanger les femmes et les hommes. Mais oui, les équipes mixtes. Ça montre bien que c'est pas pareil. On cesse de le répéter. C'est Thomas raison. Et vous montrez aussi à la rentrée Fleurs de cactus de Pierre Barrier et Jean-Pierre Gadi au Théâtre Antoine avec Catherine Fraud. Qu'est-ce que c'est Fleurs de cactus? On est curieux, on peut avoir un mot dessus? C'est de nouveau une vieille pièce des années 60 que je ressors des tiroirs, mais qui avait été un gros succès, qui avait été créée par Sophie Desmarais et Jean Poiret, et qui avait été tournée au cinéma avec Ingrid Bergman, qui a été jouée à Broadway par Lorraine Bacall. Enfin, c'est une pièce. Et Jean-Pierre, et Barry et Grédy sont toujours vivants, ils sont en pleine forme. Et j'avais une passion pour ces gens-là. Et puis Catherine Fraud avait envie de jouer ce rôle. C'est une sorte de comédie romantique, très 60s. Et Catherine Fraud est immense et c'est formidable après avoir joué Beckett qu'elle a envie de jouer ce style de théâtre. Et pourquoi est-ce que vous exhumez à chaque fois les pièces du passé? C'est que la création contemporaine vous déçoit? Non, c'est que ces textes sont passionnants, mais je vais monter en 2016 une pièce de Christian Siméon, une création, une nouvelle pièce. Donc ça dépend de la qualité des textes, mais c'est vrai que moi je lis beaucoup de pièces et qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs passionnants, ça c'est vrai. C'est les pépites hein, en général qui sont un peu enfouies, que vous refaites surgir. Vous... Fleurs de cactus, ça a été un gros succès quand même. Bon, salut Florian Zeller. Si et en attendant, une pépite musicale. Yeah, ben, maman, ça mange pour le Kéassa. manger pour le qui a ça. Ça manger pour le qui a ça. Ça manger pour le qui a ça. Ça manger pour le qui a ça. Manger pour le qui a ça. Ça manger pour le qui a ça. Ouais, correct. Skip and I, Leading Go, Maloya Magic sur France Inter. Vous êtes à la bonne adresse. Nous sommes en compagnie de Michel Faux qui joue au théâtre. Un amour qui ne finit pas, c'est au théâtre de l'œuvre. Et Samir Boidi aussi, on peut vous voir au théâtre. Non, c'est ce gentil d'en parler, mais enfin, c'est au tellement petit différent. Petit Palais des Glaces, le CV, avec Bruno Moineau. Une pièce qu'on a coécrite. Donc on fait partie de ces auteurs qui tentent l'aventure d'écrire. Ah, pas, peut-être pas bien, mais on essaye. Et qui serait joué par le fils de Michel Faux quand on réexhumera vos pièces en nombreuses années. On a tout prévu. On a tout avec prévu. Bruno Moineau, monsieur Prescovitch. Oui, bah voilà, avec et le grand Bruno Moineau. Voilà. Merci d'en parler, en tous les cas, c'est gentil. Guillaume Meurice. Oui, présent. Vous avez chaussé votre casque. Tout à fait. Vous êtes devant votre micro, vous êtes prêt à décoller et à prouver à Michel Faux que vous faites du comique d'investigation. Je vais essayer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre. Parce que vous le savez, les militaires, c'est une passion chez moi. Je suis d'ailleurs bilingue, français, militaire. Par exemple, si je vous dis... S'il y en a qui croient qu'ils vont s'en sortir comme ça, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Eh ben voilà, en fait, ça veut dire je suis un homme très peu patient, même avec des gens très très souples. Vous voyez, c'est assez simple. Et aujourd'hui, grosse actualité militaire, puisqu'on commémore en tant que Français le même jour la grosse fierté et la grosse lose, l'appel du 18 juin du général de Gaulle et la grosse branlée du 18 juin de Napoléon Bonaparte, Waterloo. Parlons-en avec Jacques Mattei de la Fédération des cités napoléoniennes. J'en suis le directeur et notre président est Charles Bonaparte, donc l'aîné de la dernière branche vivante qui descend de Jérôme Bonaparte, le frère cadet de l'empereur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui, ce monsieur Bonaparte? Il a deux sociétés de consulting dont il travaille. Mais rassurez-moi, il fait pas du consulting militaire. Non, pas du tout. Bon, bah, c'est déjà ça. Si on pouvait éviter de passer pour des cons une deuxième fois, ça serait pas du luxe. En tout cas, il bosse. Il bosse. Ah, bah, il est pas caissier chez Franprix, mais il bosse. Poursuivons avec Jean-Claude Ban, président de l'association Bonaparte à Valence. Quelle est la place de Napoléon dans l'histoire? Avant Napoléon, s'impose en Europe, il y avait des centaines de comtés, de duchés, etc. en Allemagne. Tout a été regroupé par Napoléon pour en faire 5 ou 6 royautés qu'il a distribuées en partie à ses frères. Mais de là est né, si vous voulez, le sentiment allemand. Donc Angela Merkel, c'est de la faute à Napoléon? C'est de la faute ou c'est grâce à Napoléon, mais ça c'est sûr. Oui, oh, bah, c'est bien reconnu. Et ben voilà, alors Tsipras, il a qu'à s'en prendre directement à Napoléon. L'idée de l'Allemagne et de la Grande Europe, c'est lui. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Allemands, c'est quand même l'idée d'avoir toujours souhaité une Grande Europe. Hein, mon grand-père, il me racontait ça, hein, en 43, bah, c'était un fervent partisan de l'amitié franco-allemande. Ah, c'est vrai qu'on a toujours été baba cool dans la famille, un petit peu peace and love. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cette époque, j'avais une autre question pour Jean-Claude. Est-ce qu'il y a d'autres dictateurs qui vous plaisent dans l'histoire, à part Napoléon? Bon, bah, tous les gens qui ont construit des grands empires et qui ont surtout laissé des traces. Donc on remonte après à Alexandre le Grand, on remonte aux Romains. Là, il y a encore des traces, évidemment, visibles. Eh oui, des traces visibles, parce que les traces de sang, ça ne part pas au lavage dans les livres d'histoire. Même si, le saviez-vous, Napoléon n'est pas un chef de guerre. Et non, c'est Robert Pugnet qui me l'a confirmé et il est président de l'association Napoléon Bonaparte. Ce n'est pas un chef de guerre dans le sens de déclarer la guerre, c'est qu'il a surtout sauvé nos frontières de l'ennemi et des coalisés. Ah oui, mais en déclarant la guerre quand même? Ah ben il est bien obligé. Ah voilà. Guerre contre guerre, ben voilà, on est bien obligé. Ah oui, parce que vous venez de dire qu'il déclarait pas la guerre, c'est pour ça? Oui, il allait sauver nos frontières. par rapport aux gens qui venaient nous attaquer. Voilà, c'est juste qu'il avait une conception des frontières de France un petit peu floue, Napoléon. Hein. C'est pas un gars qui faisait facilement la différence entre la Russie et la France, par exemple. C'est une sorte de Gérard Depardieu avant l'heure. Ça, il se sentait partout chez lui, donc il voulait aussi que tout le monde se sente chez lui, c'est logique. Partout, sauf peut-être en Angleterre, la vieille rancœur avec la perfide Albion est encore présente, n'est-ce pas, Robert? Bon, bah, les Anglais, c'est vrai que c'est nos ennemis depuis longtemps, hein. Depuis toujours, je dirais même. C'est-à-dire que c'est encore nos ennemis pour vous? C'est différent, il n'y a plus de guerre, c'est peut-être une guerre économique, on n'en sait rien. Bon, je ne vais pas approfondir, je ne fais pas de politique. Non, on ne va pas approfondir la question avec Robert, parce qu'on sent que le dérapage n'est pas loin. On a déjà eu un incident diplomatique avec une pâte à tartiner, c'est pas pour enchaîner avec un roast beef. Mais Robert, il est quand même remonté, il trouve que l'histoire de Napoléon est mal enseignée à l'école. Alors pourquoi, Robert? Parce que à l'école, on leur avait appris que c'était un tyran, un dictateur, etc. Ah, et c'est pas le cas? Non, quand même pas. Une guerre à l'époque napoléonienne, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas d'hélicoptères, il n'y avait pas d'avions. Donc, qui c'est qui faisait le combat? C'était les hommes avec des fusils et quelques canons. Donc, automatiquement, il y avait des morts. Ah bah oui, c'est le principe de la guerre. Mais en 50 ans, il y avait moins de morts que la guerre de 14. Ah oui, bah ça c'est vrai ça. Hein, et même à côté d'Hiroshima, il est tout pourri, Napoléon. Bah oui, parce qu'avec 3 baïonnettes et 12 canassons, hein, il est pas allé loin le gars. Et vous aviez raison, Alex, quand vous disiez tout à l'heure au bureau que les Corses sont des toutes petites bites. Hein, bah c'est vrai que c'est courageux de dire ça. Hein, parce que je sais que vous avez loué pour les vacances à Porto Vecchio du 3 au 12 juillet. Donc vraiment bravo, bravo. Alors, avant de préparer le discours pour votre enterrement, une dernière petite chose. Vous avez entendu, il y avait beaucoup de bruit hein, derrière. C'était Robert. Des poules. Ouais. Alors non, mais ça m'a intrigué. J'ai entendu bruit derrière vous. Vous êtes sur un champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est un tournoi de Lucette dans mon village. Il y a 200 gamins qui jouent au foot. Ah ben voilà, le foot, autre domaine où on se défend en branlé. Hein, en tant que Français, on s'y connaît. Le foot, le simulacre de la guerre. Les joueurs ne sont pas des militaires, bien sûr, mais il y a des points communs, notamment au niveau de la syntaxe, par exemple. Ce qui me permet de conclure avec une citation de Franck Ribéry. À l'avenir, je pense qu'on espère qu'on va gagner. Guillaume Meurice sur France Inter. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h et sous les pavés, l'actualité en compagnie de Michel Faux. Le sujet 2, le vieux continent est donc divisé. Comme l'écrivait Victor Hugo, il y a deux siècles, d'un côté c'est l'Europe et de l'autre la France. C'est encore le cas aujourd'hui. Jour de reconstitution à Waterloo, on refait le match. Ici le vélodrome municipal de Waterloo, temps splendide, assistance record. Dans quelques instants va se juger l'arrivée de cette quatrième étape du Tour d'Europe cycliste. Mais voici les coureurs à l'entrée du vélodrome, en tête 5 hommes, Napoléon, Blücher, suivi de Cambronne, Murat et Masséna. Et c'est le départ du sprint avant le tour final. En tête Blücher très à l'aise, mais quoique pédalant en danseuse, derrière Napoléon fait le forcing. Le style merveilleux de Napoléon, vous le connaissez. Regardez-le remonter, admirable. C'est le Napoléon des années terribles, c'est le Napoléon du sacre. La souplesse dans les jambes, c'est admirable. Et voici l'arrivée, c'est Blücher. Ah, c'est Blücher. C'est la Murat et Cambronne. Jean-Yann et Jacques Martin, le Tour d'Europe cycliste. Alors, Michel Faux, vous avez une passion, vous nourrissez une passion aussi pour Napoléon, comme beaucoup de Français, où vous le voyez comme un tyran. Non, non, aucune passion, mais c'était un héros quand même. Donc, c'est bien d'avoir des héros. Mais il y a beaucoup de choses. Je suis pas incollable sur la question, mais il y a beaucoup de choses dans la façon de vivre dans notre société qui datent toujours de Napoléon. Mm-hmm. L'arrogance, notamment. Non, des choses. C'est pour ça que le code civil, le code Napoléon. Bien sûr, c'est facile de se moquer, mais en fait, on vit toujours un peu comme avec ces mêmes références. Quoi. C'est quand même. Alors, les chefs d'État et de gouvernement européens sont à Waterloo pour la reconstitution, et pas François Hollande. La France ne célèbre pas la défaite. Alors, on se disait aussi François Hollande sur le théâtre par excellence de la défaite dans l'histoire de France. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y aille pas? Vous lui pardonnez? Je ne lui pardonne rien du tout. Ah oui, Je ne pardonne pas aux gens de pouvoir, moi. Ah oui, déjà, oui. Vous êtes un petit peu anarchiste. Oui, totalement. Ah oui, totalement anarchiste. Anarchiste de droite, il a dit. Non, pas de droite. D'accord. C'est dans vos rêves, ça. Ça doit être bizarre parce que sans doute que les politiques vous aiment et aiment votre travail. Mais ça me fait plaisir. Oui, quand ils viennent vous voir, ça vous fait plaisir? Moi, je suis le bouffon du roi, donc je leur sers la paluche sans problème. Je n'ai aucune conviction politique. Je suis le bouffon du roi, je ne suis pas un courtisan, moi, du tout. Alain Duhamel dans Libération explique que les électeurs de Nicolas Sarkozy, voire de Jean-Luc Mélenchon, sont parfois des bonapartistes qui s'ignorent parce qu'ils leur trouvent un caractère ou un style bonapartiste. Vous sentez aussi cet héritage, cette passion pour le tempérament autoritaire qui est toujours présent en France? Mais Nicolas Sarkozy pourrait jouer un biopic sur Napoléon, bien sûr. C'est évident. Clavier l'a fait, son meilleur. Mais après, Alain Duhamel insiste un peu sur le fait que les nations, elles ont faim souvent de grandes figures historiques. Est-ce que vous comprenez ce besoin de héros pour un peuple? Moi, je comprends. Mais même... on se rend compte que les gens vont voir des films avec des héros. Ils ont envie de voir des légendes. Ils n'en peuvent plus de voir des films qui se passent dans une cuisine où c'est la mère et la fille qui se disputent. Des films français, quoi. Voilà. On va résumer ça. Non, mais c'est vrai. On dit toujours, il faut attirer les jeunes. Mais les jeunes au cinéma, ils veulent voir des fictions, ils veulent voir des héros, ils veulent voir des légendes. Donc, ils veulent pas voir des choses normales, non. Pour revenir un petit peu à la reconstitution, je voulais avoir votre avis sur cette idée qu'ont les gens de se dire on refait la bataille. Est-ce que vous regardez ça d'un œil amusé? Les gens qui se déguisent en... C'est un truc de théâtre aussi. Voilà, il y a un peu de ça aussi. Moi, je ne suis pas très fan de la reconstitution historique au théâtre, mais je n'aime pas non plus la modernisation à tout prix. Donc, je n'ai pas vraiment d'attirance pour cette démarche, non. Tiens, on parlait de cinéma. Vous serez à l'affiche de Marguerite, de Xavier Giannoli, qui sort en salle le 16 septembre. Avec Catherine Fraud. Ah, aussi, toujours. Voilà. C'est Léa Drucker qui va être fâchée. Xavier Giannoli, j'ai vu son film, il est magnifique. Et je lui dis, on dirait pas un film français. Je lui dis. Voilà, c'est un superbe compliment. C'est l'heure de Clara Dupont-Mono sur France Inter à 17h47. Oui, Charline, parce que l'actualité, c'est aussi les talibans qui grognent face à l'avancée de l'État islamique. Et oui, ils veulent régner tout seuls en Afghanistan, les talibans. Ils se sont donc accrochés avec les combattants de Daesh dans l'est du pays sur le mode « Patouche à ma tyrannie ». Bon. Autrement dit, il y a des fous furieux qui s'entretuent dans leur coin, c'est pas plus mal. Alors, il y a un livre qui vient de sortir que ces fous furieux ne risquent pas de lire et qu'ils brûleraient certainement et qui s'appelle « Ce jour-là, j'ai commencé à détester les terroristes ». Et ce livre est signé Sipora, c'est son prénom, Petit Jean Serre. Et elle a fait quelque chose de très intéressant. Elle est professeure dans un collège de banlieue et au lendemain des attentats de Charlie, elle a distribué à ses élèves des feuilles blanches pour qu'ils écrivent sur ces attentats. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, ce qui leur passait par la tête. La feuille resterait anonyme, donc ils pouvaient y aller. Et ce sont leurs textes qu'elle a reproduits dans ce livre et qu'elle commente. Alors il y a un détail important, c'est que le collège où elle enseigne, qui se trouve dans le Val-de-Marne, il n'est pas en grande difficulté et c'est pas non plus un grand privilégié. Elle explique que ses élèves viennent des pavillons, comme des cités, qu'on trouve à peu près de tous les pays et qui sont de toutes les confessions religieuses. Donc, comment réagissent ces élèves? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Alors, d'abord, il y a les inertes. Bon, ados, quoi. Ça m'indiffère, il ne s'est rien passé, bon, très bien. Il y a les adeptes du complot, sur le mode, ah bah derrière tout ça, il y a les juifs, les kabyles, les belges, les arméniens, les protestants, les gauchistes, bref, toute l'équipe de si tu écoutes, j'annule tout. Nous sommes derrière tout ça. Il y a ceux qui disent, mais madame, c'est du passé, ça a 15 jours, ça, il y a eu droit. Et il y a ceux qui n'écrivent rien. Bon, très bien. Et puis à côté de ça, il y a des textes très parlants. Elle écrit « Ce n'est pas l'origine ethnico-religieuse qui signe la réaction. Des musulmans originaires du Maghreb ou d'Afrique noire condamnent le terrorisme. Des Français de culture judéo-chrétienne l'excusent. » Ah ! Alors, effectivement, la majorité des élèves musulmans de ce collège désapprouvent les caricatures, certes, mais cette désapprobation ne rime pas avec une apologie du terrorisme, loin de là. Les élèves répètent que leur islam est une religion de paix et que liquider des dessinateurs est une hérésie et que ça les a profondément choqués. Il y en a une qui écrit « Je ne suis pas Charlie, mais je suis pour Charlie ». Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire je me mets à l'écart du grand élan national et en même temps, je suis pour la liberté d'expression. Ça, ça ne se discute même pas. Beaucoup d'autres disent « Ces terroristes font surtout du mal aux musulmans ». Et il y en a un qui précise « Ne confondez pas musulmans et terroristes comme chinois et japonais ». Celui-là, il a de l'humour. Il a de l'humour. Alors attention, pas d'angélisme, parce qu'il y en a des réactions haineuses, hein, évidemment qu'il y en a, mais dans ce collège, les plus virulentes, elles viennent d'élèves au patronyme français et au teint pâle. Alors il faut ajouter un autre élément qui est très important, c'est que le jour des attentats, Hamedi Coulibaly a abandonné sa voiture à peu près à 100 mètres du collège, après avoir tué la jeune policière de Montrouge. Donc les élèves, ils ont entendu les hélicoptères tourner, ils ont vu le quartier bouclé, le principal a annoncé qu'ils étaient bloqués dans l'établissement, et donc là, ça a été la panique. Donc pour ces élèves, le terrorisme a été à un moment un réel danger aux portes de l'établissement. Et beaucoup racontent qu'ils ont eu peur, ils le reconnaissent. Peur aussi pour leurs parents, sur le mode « et s'ils venaient me chercher ?» D'autres voulaient récupérer leurs frères et sœurs. Bref, écrit Sipora Petit Jean Serre, soudain, le terrorisme était aussi leur affaire. Surtout que ces enfants n'ont pas connu les attentats de 1995 dans le RER parisien. Le 11 septembre 2001, souvent, ils étaient à peine nés. Et Charlie, il faut bien le reconnaître, il ne savait même pas que ça existait. Donc ces attentats de 2015 ont été pour eux la première expérience du terrorisme religieux. Et c'est cette parole qu'elle recueille. Alors il y aura toujours des esprits faibles pour ériger les Kouachi et consorts en guide spirituel. Mais elle montre quand même que via la parole des jeunes, il y a aussi un contrepoids qui a émergé, celui des consciences éveillées ce jour-là. Je vous redonne les références. Ce jour-là, j'ai commencé à détester les terroristes de Sipora Petit Jean Serre, c'est paru chez Stock. Merci Clara Dupont-Mono. Allez, restez avec nous jusqu'à 18h. On va parler de l'oisiveté, un sujet qui nous parle tous autour de cette table. If I call for you. Piece of you, but I relieved it's you. jour de bicentenaire de la bataille de Waterloo, c'est une Belge qui résonne dans les ondes de France Inter. C'est Célestia, oui, parce que pour la Belgique, c'est une victoire. Vengeance. Nous, on voit les choses différemment. En tout cas, Célestia, I won't go for home. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Michel Faux. On va aborder le troisième sujet avec vous. Les rebelles d'aujourd'hui militent pour l'oisiveté, le droit à la paresse et l'art de ne rien faire sont célébrés dans une revue britannique où, par exemple, Homer Simpson est un héros et son pendant français, ça pourrait être Alexandre. Tiens, je m'en roule. Oh, c'est normal. Je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de faire. Philippe Noiret dans... Vous avez reconnu Alexandre Le Bellis. Oui, le film d'Yves Robert, 1968. Qui est inspiré d'un livre qui s'appelle Oblomov de Goncharov. Voilà. Et toc, ça calme un peu là. Et même si c'est pas vrai. C'est vrai. T'as fait Oblomov, vous verrez Oblomov. C'est même devenu un nom commun en Russie. On dit l'oblomovisme. Eh ben oui, comme ça veut dire l'oisiveté. Ah bah oui, ça vous semble évident, mais voilà. Donc ça calme pas. Un peu vraiment. C'est un article dans Les Inrocks, parce que nous avons aussi nos références, Michel Faux, nous c'est Les Inrocks. Au moment où l'Assemblée pourrait voter, reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, eh bien il y a une revue littéraire anglaise qui renaît de ses cendres, qui s'appelle The Hitler, qui veut dire, je vais le retrouver, hein, ça doit, voilà. Donc voilà, c'est l'oisif, voilà, The Hitler, c'est l'oisif. Et donc je me suis dit, tiens, bah, alors je ne vais pas préparer ce sujet. Donc je vais foutre. Alors l'oisiveté, c'est bien beau, mais enfin maintenant qu'est-ce qu'on fait, Michel Faux? Je voudrais bien avoir l'avis de Michel Faux sur l'oisiveté. J'ai ici imprimé l'œuvre de Michel Faux. C'est 5 pages complètes. C'est tout ce que vous avez fait: cinéma, théâtre, mise en scène, acteur, comédien, machin. Ça, c'est de la déforestation. Alors, les orangutans, ils ont encore gueulé. Est-ce que l'oisiveté, c'est un truc qui vous parle? Non, pas du tout. Non, je déteste les vacances. Je suis stacanoviste, en fait. Ah, c'est vrai. Vous êtes ce qu'on appelle un workaholic. C'est ça. Je m'ennuie terriblement en vacances. Je déprime. C'est l'horreur. Mais vous n'aimez pas le rien faire? Non. Mais c'est très agréable, le rien faire. Bah, j'y arrive pas. Si j'ai rien à faire, je prends tout de suite un livre, moi. Ouais. Et rester assis comme ça sans rien faire? Non. Non, mais ça veut dire que chez vous, la créativité, le moteur de la créativité, c'est l'action sans arrêt. Oui, mais en même temps, le corps suit pas parfois. Donc parfois, je suis obligé de m'arrêter pour me reposer parce que le corps dit stop. Charline, c'est très bien de quoi vous voulez parler. Mon cœur dira stop à 18h. Au mois d'août, j'ai 15 jours où j'ai rien. Mais après, je répète tout de suite Fleur de Cactus. Donc. Mais je ne sais pas ce que je vais faire pendant ces 15 jours. Donc vous enchaînez les projets, vous enchaînez les films et les pièces. Oui, je les provoque. Est-ce que des fois vous dites que c'est une fuite en avant? Allongez-vous si vous voulez qu'on en parle. Mais non, il n'y a pas le temps de réfléchir. Ouais, mais c'est surtout, je m'ennuie. Quand j'étais enfant, je m'ennuyais, donc j'étais mélancolique. Donc c'est pour combler cette mélancolie. Vous savez, comme je vous comprends, on ne peut pas arrêter. D'ailleurs, on va faire un sketch là tout de suite. Voilà. Je vais vous donner un peu de travail, Michel Faux, si vous acceptez. En fin d'émission, c'est le sketch surprise. Je vous donne un rôle que sans doute vous n'avez jamais joué, celui de Matteo Renzi, qui va revenir un jour en France et qui va donc être obligé de croiser Ségolène Royal. Je vous laisse le temps. Après le Nutella Gate. De chausser les lunettes. Moi, je fais qui, alors vous faites Matteo Renzi. Ah oui, c'est vrai que vous auriez pu faire Ségolène. Alors inversé. On échange. Alors vous échangez, vous faites. Donc, donnez-moi vos feuilles. Voilà. Non, c'est très bien. Alors vous faites Matteo Renzi qui revient en France et Ségolène l'attend de pied ferme. Ah Matteo, quel bonheur de vous voir enfin en France. Cher Ségolène, même sans vous voir, je vous appréciais déjà, mais là... Oh, mais qu'est-ce qui vous plaît chez moi? Tout, votre aisance, votre ligne, votre ouverture d'esprit, tout me plaît. Je serai Monica Bellucci, je serai jalouse de vous. Oh, arrêtez, quel Hidalgo vous faites? Ah non, Hidalgo c'est espagnol. En Italie, on parle plutôt de Casanova. Alors, écoutez, puisque vous parlez produits italiens, Bellucci on la garde, Casanova, envoyez-le nous. Hein, mais pas le Nutella, hein, s'il vous plaît. Oh, Ségolène, vous recommencez. Mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai changé d'avis. Le Nutella, j'adore ça. D'ailleurs, j'en mets partout. Alors. Ah bon, bah, c'est formidable. Je savais que vous étiez raisonnable. D'ailleurs, je voulais moi aussi vous faire goûter nos meilleurs produits français. J'adore la cuisine française. Bah, ici, c'est du maroilles. Ah, ça sent beaucoup, non? Oui, bah, un petit peu de Nutella, c'est délicieux, goûtez. Mais c'est pas bon. C'est très bon, enfin. Vous voyez, quand la France et l'Italie s'associent, ce qu'ils ont de meilleur, voyons. Mais Ségolène, je ne peux pas terminer. Mais vous avez raison, gardez de la place, hein, parce qu'en plat, on aura de l'andouillette, sauce épaisse au Nutella, puis en dessert d'excellent Quingamat bien gras fourré au Nutella. Voilà. Mais Ségolène, vous êtes malade. Ah, mais vous croyez, à cause du Nutella, hein. Mais non, c'est à cause... Bah mais quoi, mais enfin vous osez critiquer les produits français, c'est abominable ce que vous faites enfin. Mais ma mamie, y a calmez-vous. Sortez d'ici, vous avez insulté la France, monsieur. J'y vais, j'ai rendez-vous avec le président. Ah bah lui, il aime le Nutella, hein. Vous allez l'entendre. Je vais surtout lui demander comment il vous a supporté si longtemps. Goujat Rital. Et tiens, prends ça pour le Nutella Gay. Merci Michel Faux. Merci beaucoup. On peut vous voir dans un autre rôle. Promis, la prochaine fois, je vous fais jouer Ségolène Royal. Un amour qui ne finit pas d'André Roussin. C'est au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 11 juillet. Et puis, on vous verra aussi à l'affiche de Marguerite de Xavier Giannoli en salle le 16 septembre. Merci d'être resté avec nous. Merci à tous autour de cette table. Le mot de la fin, nous allons le laisser au match qui se rejoue en ce moment à Waterloo. Voici les coureurs à l'entrée du vélodrome, en tête 5 hommes, Napoléon, Blücher, suivi de Cambronne, Murat et Masséna. Et c'est le départ du sprint avant le tour final.